furieux. Hey. L'ossage arrive capuché comme un inuit. À bord d'un classier ou à bord d'un iui. Elle a un gros cul mais elle a un cul duit. Tu connais la suite, elle me suit dans ma suite. Je pense à faire ma monnaie même quand je me fais sucer. Hey, faut que je sois vigilant, je crois que ma loque est pucée. J'ai revu un ancien client, je lui ai dit que j'en ai plus t'sais. Et puis je l'ai rappelé quand je me suis fait expulser. C'est pour mes caïras, mes putes, à mes locaux. Ton rap nous parle pas, il pue, rien t'es trop faux. Bang, bang, bang, kick, bang, mon fort. C'est bien ce bruit flingue qu'ils appellent mon flow. Je viens faire du sale, je fais pas dans le social. Je côtoie peu de gens, mais putain, qu'est-ce qu'ils sont fiables. Cesse de parler, mêle-toi de ton fiacre. On va te cardiaque au volant de ton fiacre. J'ai plus d'habits chers que je n'ai d'amis chers. J'ai plus d'habits chers que je n'ai d'amis chers. Je roule sans mi-père, en rabaissant la visière. Je roule sans mi-père, en rabaissant la visière. Fuck la misère, y'a des bolos, ça visère. Mais que fuck la misère, y'a des bolos, ça visère. Fuck la misère, y'a des bolos, ça visère. Fuck la misère, y'a des bolos, ça visère. Cet été, je vais à Miami, eh, ou au Mayabé. Cet été, je vais à Miami, eh, ou au Mayabé. Mayabé, Maya, Mayabé. Mayabé, Maya, Mayabé. Cet été, je vais à Miami, eh, ou au Mayabé. Cet été, je vais à Miami, eh, ou au Mayabé. Mayabé, Maya, Mayabé. Mayabé, Maya, Mayabé. Je suis bien plus chaud que la plupart. Ils ont beau vendre plus, gros, je sais pas de quoi tu me parles. Je suis à 2-10 et encore j'ai le pied élevé. Bébé, j'arrive, j'ai 2-3 fils de pute à prélever. Je fais le 6 gros pour une taille de belle V. Tu te sens pousser des couilles après quelques revés. Mes mélos, ça sont nerveux, je te le dis ça comme. Faut tirer sur toi comme ils tirent sur la chicha pomme. Quelques liasses à gauche pour hacker l'avocat. Quelques pièces pour un plat au foyer Sonacotra. Tchèboutienne à loco, m'a fait manioc. Rendez-nous l'Afrique, on vous rend les armes. Alors, j'ai plus d'habits chers que je n'ai d'amis chers. J'ai plus d'habits chers que je n'ai d'amis chers. J'roule sans mi-père en rabaissant la visière. J'roule sans mi-père en rabaissant la visière. Fuck la misère, y'a des bolos à visère. N'est que fuck la misère, y'a des bolos à visère. Fuck la misère, y'a des bolos à visère. Fuck la misère, y'a des bolos à visère. Cet été, j'vais à Miami, ou au Mayabé. Cet été, j'vais à Miami, ou au Mayabé. Mayabé, Maya, Mayabé. Mayabé, Maya, Mayabé. Cet été, j'vais à Miami, ou au Mayabé. Cet été, j'vais à Miami, ou au Mayabé. Mayabé, Maya, Mayabé. Mayabé, Maya, Mayabé. Hey, Yuri. Losa, losa, losa. On cherche pas le bonheur, mais la satisfaction, quoi. Mayabé, Mayabé. Maya, Mayabé.